Bienvenue à Web Musique, la seule émission à CKRL, peut-être même à Québec, qui vous offre de la musique en téléchargement gratuit. Mon nom est Simon Roy, on va passer la prochaine heure ensemble, plein de bonne musique, comme à l'habitude. Une sélection, ma foi, assez éclectique pour faire changement, mais non, c'est toujours éclectique à Web Musique, vous le savez. On va débuter avec un artiste du Chili, la ville de Santiago, du nom de Tono Sepia. Je vais passer sa pièce Parlante al Curé. C'est publié sur Modismo. Ensuite de ça, sur Laridé, une étiquette qui nous vient de l'Autriche. C'est le groupe donc autrichien Winterphonic. Je vous fais entendre la pièce Feedback. On écoute ça à Web Music. Yeah. De l'Autriche, c'était Winterphonic avec leur pièce Feedback publiée sur Larry Day. Avant ça, on avait débuté Web Music avec Tono Sepia, un artiste de la ville de Santiago au Chili. C'était sa pièce Parlante al Curry. On poursuit avec deux pièces qui sont publiées sur le netlabel Fusion Netlabel. Ces deux pièces de l'artiste russe Nick R61. On va entendre la première qui s'appelle Curry equals Curcum. Kirkoma. Ensuite de ça, c'est la pièce Amsterdam Respect Acquaintances to Stewardess. Donc, deux pièces de Nick R61 à Web Music. Thank you. C'était la pièce Amsterdam Respect Acquaintances to Stewardess. C'était sur l'album Taking Care of Business. Également sur le même album, on entendait tout juste avant Curry égale Kirkoma. C'était donc deux pièces par Nick R61, un artiste qui nous vient de la Russie. C'est publié sur Fusion Netlabel, un netlabel assez intéressant. Allez faire un tour de leur côté. Ils ont beaucoup de trucs à offrir en téléchargement gratuit. Ça vaut vraiment la peine. Pour la suite de Web Music, je vous propose un groupe suisse du nom de Dadiv. C'est la pièce jazz Pommade. Donc, c'est publié sur Scare Moments, un netlabel qui nous vient de la ville de Lausanne, en Suisse. On écoute tout de suite Dadiv. Thank you. C'était la pièce Jazz Pommade par Dadiv, un artiste suisse publié sur Square Moments, une étiquette, comme je vous disais tantôt, qui vient de Lausanne en Suisse. Donc, ben c'est ça, je vais vous rappeler tout de suite que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusique.ca. Le web s'écrit OUEBE. Donc, vous avez accès à toute cette bonne musique en téléchargement gratuit, gratuit et légal. Donc, il n'y a pas d'attrape, vous n'avez pas besoin de fournir de courriel ou quoi que ce soit. Vous téléchargez tout simplement, vous écoutez, puis vous partagez avec vos amis. C'est de la musique publiée sous licence Creative Commons. Donc, ça vous permet de l'écouter. Vous pouvez même vous en servir souvent dans des trames sonores de films. Si vous avez des vidéos que vous faites sur YouTube, vous pouvez vous servir aussi la plupart du temps de cette musique-là. Il suffit juste de consulter plus en profondeur les licences. Puis, donc, c'est ça, ça vous fait de la musique disponible assez facilement. Il y a aussi la balado-diffusion de l'émission qui est disponible. Donc, vous pouvez écouter les épisodes précédents. Vous pouvez les télécharger, les écouter sur votre lecteur MP3 favori. Donc, il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. On va se diriger vers une courte pause, puis on revient tout de suite après pour la suite de Web Musique. Dans le cadre du Festival de jazz de Québec, ne manquez pas Marie-Christine, la nouvelle protégée de Corey Hart, le 23 octobre au Cabaret du Capitole. Billets en vente au Capitole et sur billettech.com. Plus d'infos sur jazzaquebec.ca. Dans le cadre du Festival de jazz de Québec, voyez Martin Levaque et ses musiciens revisiter le répertoire du groupe Genesis avec une touche de jazz, les 24 et 25 octobre au Cabaret du Capitole. Billets en vente au Capitole et sur billettech.com. Plus d'infos sur jazzaquebec.ca. La cuivre à la citrouille revient en octobre à la Barberie. Surveillez son apparition sur notre page Facebook ou sur notre site labarberie.com. La Barberie? 310 rue Saint-Roch. Le Largo, en collaboration avec la Banque TD, est fier de présenter le 5e Festival de jazz de Québec du 20 au 30 octobre. 10 jours de jazz de tous horizons sur le thème du saxophone. 125 spectacles avec des artistes de renommée internationale dont Roberta Gambarini, Esperanza Spalding, Joe Lavano, Diane Tell, Alain Caron, Maceo Parker et Dorothée Berryman. Près de 30 lieux prestigieux et chaleureux accueilleront les spectacles du festival. Vivez au rythme de la note bleue en suivant le circuit jazz à travers la ville de Québec. Toute la programmation sur jazzaquebec.ca. De retour à Web Musique pour la dernière demi-heure de l'émission. On va écouter tout de suite un artiste qui vient de la ville de Sheffield en Angleterre. Il s'agit de Bears in the Attic. Je vous fais passer la pièce Ain't No Thing. C'est publié sur Dusted Wax Kingdom, une étiquette de la Bulgarie. Ensuite de ça, publié sur Shuffle Brain, une étiquette de la Russie, c'est Hugo Boy avec sa pièce Heliopause. On va écouter ça tout de suite après Bears in the Attic qui joue maintenant. We'll be right back. looking for a sweetheart 'cause you're lonely, and you want someone to love and adore, write a letter to our company, and we'll send by mail just the girl you're looking for. From now on, you'll never see one of those men without the other three. Like, De la Russie, c'était Hugo Boy avec sa pièce Héliopause. C'était publié sur Shuffle Brain, une étiquette de la Russie. Avant ça, on entendait Bears in the Attic. C'était publié sur Dusted Wax Kingdom. Bears in the Attic, qui vient de la ville de Sheffield en Angleterre. C'était la pièce Ain't Nothing. Pour poursuivre web musique, je vous invite à écouter une pièce de Synthetic Violence. La pièce s'appelle Impression 04. C'est publié sur Section 27. Ça nous vient ça, de l'Écosse, Section 27. L'artiste Synthetic Violence nous vient de la ville de Riga en Latvie. Ensuite de ça, publié sur Audiovisual Theorem, qui nous vient de l'Espagne, c'est Ectra. Un artiste, non, plutôt un trio, donc avec la pièce Los Muertes, la Dan Dursimo. C'est sur l'album Zombie Ravers. Vous allez voir, c'est excellent. On écoute tout de suite Synthetic Violence à Web Music. We'll be right back. We'll be right back. C'était donc une pièce de Ektra, la pièce Los Muertos, la Dan d'Ursimo. C'était sur l'album Zombie Raver, donc publié sur Audiovisual Theorem, un netlabel qui nous vient de l'Espagne. Avant ça, on écoutait, donc c'était un peu Synthetic Violence avec la pièce Impression 04. C'était donc publié sur Section 27. Un excellent netlabel qui nous vient de l'Écosse. Donc, pour la suite de Web Music, je vous propose une pièce de Tep. La pièce, c'est un cover de la pièce titre du jeu vidéo Doom. Donc, une pièce assez tordante, merci. C'est donc publié sur Prout Records qui avait fait une compilation. Je ne sais pas si c'est disponible en téléchargement. Il faudrait que je vérifie. C'est une compilation donc qui reprend de la musique de jeux vidéo, mais façon c'est la musique 8-bit, mais repris avec des vrais instruments. Donc, une compilation vraiment assez intéressante. Donc, c'est ça, on écoute ça à Web Music tout de suite, puis je vous reviens tout de suite après. Version acoustique de la pièce titre du jeu Doom, donc vraiment excellent. J'adore cette pièce, ça n'a juste pas d'allure. C'est par Tep, un artiste français qui publie sur Prout Records. Donc, une excellente compilation. Allez voir sur le site de Prout Records, je pense que vous pouvez télécharger d'autres pièces donc de jeux vidéo 8-bit, mais fait avec des instruments de musique conventionnels. Donc, une compilation vraiment intéressante. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous laisse avec une dernière pièce dont j'ai absolument aucune idée du titre. Je vais rajouter ça sur le blog de l'émission. Tout de suite après, ça va être Guy Tremblay avec son émission Beau temps, mauvais temps qui nous revient. Donc, restez à l'écoute pour écouter ça. Puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour une autre émission de Web Music. Donc, revenez, c'est le rendez-vous de la musique gratuite. Bonne soirée.